Elle aime bien nos longs câlins, se blottir dans mes bras, pourquoi pas. Mais elle oublie que je suis là quand on lui parle de chocolat. Je suis pas jaloux, mais y a des fois j'aimerais qu'elle parle de moi comme ça. Et je suis loin de faire le poids contre une plaquette de chocolat aux noisettes. Mais aussi doux que je puisse être, aussi sucré que je puisse me faire, moi je prie, un jour peut-être, je serai celui, celui, celui qu'elle préfère. Mais j'ai rien à voir avec le goût du chocolat noir, rien de ressemblant avec celui du chocolat blanc. Non, je sais pas ce qui lui plaît autant que du chocolat au lait. Non, j'ai rien de tout ça et c'est pour ça qu'elle préfère le chocolat. Elle s'est habituée à nos baisers, m'en fait parfois sans que je l'ai demandé. Mais elle préfère passer son temps à aller chez les fonds de pot de chocolat qu'elle descend. Que ce soit en pot ou en tablette, elle mangerait que ça à tous les repas. Et elle invente toujours de nouvelles recettes à base de chocolat. Mais moi j'aimerais qu'un jour ce soit moi qu'elle cuisine, avec tout son savoir-faire. Mais moi j'aimerais tellement rentrer dans sa routine, pour être celui qu'elle préfère. Mais j'ai rien à voir avec le goût du chocolat noir, rien de ressemblant avec celui du chocolat blanc. Non, je sais pas ce qui lui plaît autant que du chocolat au lait. Non, j'ai rien de tout ça et c'est pour ça qu'elle préfère le chocolat. Mais j'ai rien à voir avec le goût du chocolat noir, rien de ressemblant avec celui du chocolat blanc. Non, je sais pas ce qui lui plaît autant que du chocolat au lait. Non, j'ai rien de tout ça et c'est pour ça qu'elle préfère le chocolat.